maison en faisant rock, rock, rock, rock, bang, ou encore rock, rock, rock, rock, bang. Il n'a plus de frein ni suspension, mais il est encore bon, malgré ses rock, rock, rock, rock, bang. Rock, rock, rock, rock, bang. Oh mon vieux camion, il y a toujours une fille qui le trouve beau. Malgré ses rock, rock, rock, rock, bang. Et puis ses rock, rock, rock, rock, bang. J'arriverai dans un jour ou deux. Si c'est le tien, s'il ne prend pas feu, j'arriverai peut-être plus tôt. Si par bonheur, j'ai vent dans le dos. Dans mon vieux camion, j'ai pas un rond. Moi et mon camion, vous comprenez, on aime la liberté. Et puis les rock, rock, rock, rock, bang. Bien les rock, rock, rock, rock, bang. Allez mon vieux, réveille-toi, on y va. Allez, un petit effort. Bah quoi, tu vas pas me laisser tomber, non? Allez, allons-y, réveille-toi. Voilà. Eh ben, c'est pas plus gentil comme ça, non? Eh ben, voilà.